Chers amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Guimauzo. Calendrier des esclavages et libérations du lundi 18 juillet 2022. Adrien Quatennens, Macron-Coalition. Jean Ferrat, le bruit des bottes. Quatuor mondial 2022, révélation. Le Qatar, pas Quatuor, Qatar. Aimé Césaire, discours sur le colonialisme. Aimé Césaire a été bien placé, lui, pour parler du colonialisme. Hein. Il ne parle que 2 minutes 20, mais il dit beaucoup de choses. Boris Vallot, ma réponse au discours de politique. Ensuite, François Ruffin et Elisabeth Borne ne proposent que des miettes. Climat, alerte rouge. Et puis, un peu de musique, petite revue de presse, et puis voilà. Hein. Bonne soirée. Thank you. calendrier des esclavages et des libérations. Le 18 juillet, 18 juillet de l'an 64 par exemple à Rome, dans la nuit du 17 au 18 juillet, éclate l'incendie de Rome qui durera une semaine. Est-il accidentel, ou voulu par Néron? Point d'interrogation. Ce dernier se plaît à composer des poèmes en contemplant la ville en flammes. Il accusera les chrétiens qui seront torturés et mis à mort. Voilà. Déjà en ce temps-là, hein, vous voyez. Bon. Il y avait déjà des gouvernants vous mettez les qualificatifs que vous voulez. 1808, Espagne. Suite au soulèvement du Dos de Mayo, les troupes napoléoniennes entrées en Espagne sont obligées de capituler. Quelques 22 000 hommes. Après la mort de presque la moitié d'entre eux, les survivants seront déportés vers l'enfer de Cabrera dans les îles Baléares. 1845, France. Une loi accorde un jour libre par semaine aux esclaves des colonies et décide le principe de la réunion des esclaves mariés appartenant à des maîtres différents. 1887, France. Loi instituant les délégués mineurs à la sécurité. 1917, Russie. Début des persécutions contre les bolcheviks. Début des persécutions contre les bolcheviks. On apprend des choses. 1931, Espagne. À Séville, un ouvrier est tué par un jaune. Les jaunes. Et la grève générale éclate. Anarchistes et communistes luttent côte à côte durant cette semaine tragique. 1934, URSS. Loi sur la déportation dans les camps de travail collectif pour les personnes qui sont frappées de sanctions administratives. Si on faisait ça en France. 1936, Espagne. Franco lance un appel à l'insurrection à toutes les garnisons d'Espagne. Le gouvernement républicain tergiverse et essaye en vain de négocier avant de faire distribuer des armes aux militants ouvriers. 1947, Inde. Vote de l'Indian Independence Act qui prévoit le partage de l'Inde. 1963, France. Un décret instaure le préavis de grève de 5 jours. 1979, Guinée équatoriale. Fin de la dictature de Francisco Macias Nguema. Il sera jugé par un tribunal populaire pour crime contre l'humanité. Humanité avec un H majuscule. 1981, Pologne, pour la première fois, le Congrès, instance suprême de tout parti communiste, élit directement à bulletin secret et en choisissant entre plusieurs candidats les responsables du parti. 1982, Brésil. Dans la nuit du 18 au 19 juillet, trois hommes de main d'un grand propriétaire assassinent Gabriel Sales Pimenta alors qu'il rentrait chez lui. Avocat, il faisait partie de la commission pastorale de la terre chargée de défendre le droit des paysans. Il travaillait pour le syndicat des ouvriers agricoles de l'état du Pará. C'est le 7e avocat des paysans assassiné depuis 1977. Les coupables sont connus et jamais inquiétés. Que pensait-on de cette situation-là aux USA, aux States, aux United States of America? Thank you. Emmanuel Macron nous avait dit qu'il voulait se préparer à une grande coalition et que, prenant acte du résultat des élections législatives, il y aurait peut-être quelques débauchages. Et ce qu'on voit à l'arrivée, c'est un gouvernement extrêmement resserré, avec ce qu'il reste du noyau de la Macronie qui est conforté, voire même des éléments qui étaient sortis qui reviennent. Et puis, à côté de ça, aucun débauchage, aucun élargissement en réalité. Hier, Aurore Berger laissait entendre que peut-être Yannick Jadot pourrait faire partie des hypothèses. Ça n'est pas le cas, je m'en félicite. Pas plus d'ailleurs que Fabien Roussel. Et puis, il y a aussi des étrangetés dans le casting. Par exemple, M. Christophe Béchu,

La parole est au président Valo pour le groupe socialiste. Madame la Première ministre, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous voici donc réunis dans l'un de ces moments singuliers dont l'histoire a parfois la ruse, un moment singulier et à bien des égards inquiétant. Singulier d'abord car pour la première fois depuis longtemps, le Parlement trouve aujourd'hui une centralité nouvelle. Le suffrage universel, notre juge et notre maître à tous, Madame la Première ministre, ne vous a pas accordé de majorité. Les Français ne vous font plus confiance, ils ne font plus confiance au président de la République et ne veulent pas de son programme. Vous avez perdu le président absolu en même temps que vous perdiez la majorité absolue. Les électeurs ont donc fait le choix d'une minorité présidentielle et d'un parlementarisme de fait. Le cœur du pouvoir a quitté le palais de l'Élysée pour prendre place ici au palais Bourbon. Inquiétant ensuite car cette assemblée est la plus mal élue de son histoire. Sa légitimité mise à mal par la même remontante de l'abstention, symptôme d'une démocratie fatiguée et d'électeurs qui ne croient plus en leurs représentants. Inquiétant surtout avec l'entrée en nombre d'une extrême droite dont vous aviez promis d'être le rempart et au lieu de cela, nous avons entendu dans vos rangs même se fissurer le Front Républicain, sur vos bancs même faciliter l'élection de deux vice-présidents du Rassemblement National. La fébrilité n'excuse ni de perdre son sang-froid, ni ses principes républicains. Je le dis, pour nous, il n'y a rien à espérer du désespoir et l'extrême droite est une funeste impasse. Dans cette assemblée, comme socialistes, comme républicains, nous servirons toujours une autre idée de la France. Madame la Première ministre, nous ne vous rejoindrons pas pour mettre en œuvre un programme et un projet libéraux qui ne sont pas les nôtres et pour lesquels les électeurs ne nous ont pas désignés. Nous nous sommes opposés durant 5 ans à la baisse des APL, à l'abandon de l'ISF et à l'institution de la flat tax. Et nous avons plaidé pour une lutte déterminée contre les inégalités que vous n'avez en définitive jamais menées. Nous avons combattu votre réforme de l'assurance chômage, violente avec les plus précaires, du logement social, désastreuse pour les bailleurs sociaux, combattu encore votre première réforme des retraites, injuste aux métiers pénibles. Nous avons dénoncé les insuffisances de votre engagement en faveur de l'environnement qui vous a valu d'être condamné pour une action climatique. Nous avons dénoncé le malthusianisme de votre politique éducative, guidée non par l'ambition de donner une place à chacun, mais par le souci que chacun reste à sa place. Nous nous sommes désolidarisés et d'autres politiques en matière d'asile et d'immigration et avons contesté les lois qui portaient une atteinte excessive à nos droits et à nos libertés. À chaque fois, nous avons proposé. À chaque fois, vous vous êtes obstinée. Madame la Première ministre, convenez avec nous. Nous n'avons pas été élus pour donner au président de la République la majorité que les Françaises lui ont refusée. Moins encore pour mettre en œuvre la retraite à 65 ans, les contreparties au RSA ou la libéralisation de l'école publique. 13 millions de Français sont en situation de précarité de mobilité. 12 millions habitent dans des passoires énergétiques. 10 millions vivent sous le seuil de pauvreté. 8 millions vivent dans un désert médical. 6 millions demeurent sans emploi stable. 300 000 sont sans domicile fixe et 20% de nos compatriotes vivent à découvert. La température augmente en même temps que la biodiversité s'effondre et nous avons touché les limites du monde tel qu'il a prévalu aujourd'hui, menacé par l'injustice et la démesure et en définitive par la précarité économique, sociale, écologique où nous a entraîné l'ère néolibérale. Vous aspirez à un retour à la normale, nous aspirons à un changement de modèle. À l'aube d'une décennie critique, nous avons des propositions utiles à la vie des Françaises et des Français et nous sommes prêts à en débattre ici. Notre projet ne nous appartient pas. L'idéal qu'il entend porter est à la portée de tous. Chaque fois que vous éleverez le débat pour atteindre l'idéal de justice, vous nous trouverez à vos côtés. Vous affirmez que les oppositions s'opposent à tout. Alors apprenez à écouter, à considérer leurs propositions et parfois à les faire vôtres. Nous défendons le travail de valeur et la reconnaissance de l'utilité sociale. Chacun doit pouvoir vivre de la dignité de son travail, un travail de qualité justement rémunéré. Notre philosophie n'est pas celle des chèques occasionnels et des primes qui ne créent pas de droits sociaux. mais celle des salaires qui permettent de vivre de son travail et de préparer sa retraite, du juste partage de la valeur ajoutée. Voilà pourquoi nous proposons le SMIC à 1 500 euros et la limitation des écarts de rémunération. Nous proposons une plus grande justice fiscale pour que les classes moyennes cessent de payer les impôts des riches que vous avez exonérés d'ISF, pour que les PME et les PMI cessent de payer les impôts que les multinationales cachent dans les paradis fiscaux. Nous proposons l'ouverture des droits sociaux à 18 ans, comme partout en Europe, car nous ne voulons plus voir notre jeunesse grossir les rangs des banques alimentaires. Jaurès disait que la République est un grand acte de conscience, de confiance. Eh bien, faisons confiance à notre jeunesse. Nul besoin de la placer sous la tutelle du ministère de la Défense, comme vous le proposez aujourd'hui. Nous proposons une politique écologique et sociale du logement et la massification de la rénovation thermique des logements pour sortir en 10 ans les Français de la précarité énergétique. Une écologie populaire, planifiée plutôt que l'effondrement brutal, pour permettre aux Français de mieux vivre, de mieux se loger, de mieux se nourrir, de mieux se déplacer, de mieux habiter. Nous défendons la République jusqu'au bout, celle de Jaurès, celle des services publics. Nous défendons l'accès aux soins par l'obligation d'installation des médecins, par la défense de l'hôpital. Nous défendons l'accès à l'éducation par la mixité scolaire que vous n'avez jamais défendue. Ces propositions, comme bien d'autres, nous les avons formulées. Elles sont aujourd'hui sur la table. C'est le sens de la proposition pour le pouvoir d'achat que nous avons déposée avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Il va vous falloir écouter, entendre, renoncer à beaucoup de vos projets, alors que je vous paraissais n'avoir renoncé à rien, à partager aussi le pouvoir pour l'exercer, à faire vivre ce Parlement. Président du groupe socialiste et apparenté, je suis le dépositaire d'une grande famille, celle du socialisme, qui siège sur ces bancs de l'Assemblée nationale depuis 129 ans. Or, en me retournant sur cette histoire, je constate que certains des grands combats qu'ont mené le socialisme et qui font désormais partie de notre histoire commune l'ont été alors que les socialistes ne disposaient pas de majorité. Je prendrai 2 exemples. Le début de la 4e République a quelques titres de gloire. L'application du programme du CNR, la fermeture du bagne de Cayenne, la nationalisation des banques et des industries de l'énergie, le retour à la semaine de 40 heures, la généralisation de la sécurité sociale. Or, ce fut une majorité allant de la démocratie chrétienne jusqu'aux communistes, en passant par les socialistes, qui présida à cette œuvre. Une majorité qui donna sa confiance aussi bien à un socialiste comme Félix Gouin qu'un démocrate chrétien comme Georges Bidault. Mon 2e exemple remonte à la fin du 19e, d'une 3e République fatiguée où se succédaient les scandales et les affaires, jusqu'au plus grand péril, l'affaire Dreyfus. La République était en danger. En 1899, après une énième provocation nationaliste, au plus fort de la crise, le gouvernement Valdec-Rousseau obtient la confiance d'une large partie de l'Assemblée qui allait du centre droit jusqu'aux troupes de Jaurès. Or, ce gouvernement sera le plus long de la 3e République. C'est celui qui mettra fin à l'affaire Dreyfus. C'est celui qui encadrera le travail des femmes et des enfants. Celui qui permettra la loi sur les associations, la syndicalisation des fonctionnaires. Et c'est toujours avec le soutien de la gauche et des socialistes que cette Assemblée vota l'immortelle séparation des Églises et de l'État. Vous le voyez, si j'osais, je dirais que la République, ce que la République a réalisé de plus glorieux, elle l'a fait dans la diversité des formations politiques. Je veux m'adresser aux députés du Rassemblement national un instant. L'histoire glorieuse que je rappelle ici n'est pas la vôtre. Ceux dont vous êtes les héritiers n'étaient pas dans les murs de cette enceinte en 1946. Je n'ose dire où ils étaient pour la plupart. Ceux dont vous êtes les héritiers étaient en revanche sur le banc des accusés de Zola. Ce que la France a fait de grand dans son histoire, elle l'a fait le plus souvent sans vous. Et le plus souvent, elle l'a fait contre vous. Venons-en, Madame la Première Ministre, à ce parlementarisme de fait. Madame la Première Ministre, partagez la maîtrise de l'ordre du jour en mettant l'agenda législatif de votre gouvernement au sein de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Rééquilibrez l'initiative de la loi en intégrant dans votre agenda les propositions parlementaires, en particulier celles des oppositions, à nous de les défendre. Desserrez l'étreinte du temps sur les travaux parlementaires en allongeant de quelques semaines le délai entre le dépôt de vos textes et le moment où on en discutera. Laissez le temps à des travaux préparatoires de qualité, à des délibérations sincères, à la recherche de l'intérêt général. Retenez-vous d'utiliser les procédures d'urgence et les ordonnances. Faites cela, Madame la Ministre. Changez, quitte à légiférer un peu moins. Et chers collègues, pratiquons différemment notre mandat. Répartissons mieux la fonction de rapporteur de nos travaux entre nous.

On a entendu plusieurs responsables de la majorité des députés dire « Oh mon Dieu, ces députés insoumis qui ont chahuté la Première Ministre, manque de respect ». Vous avez participé à cette agitation vocale qu'on a entendue à certains moments du discours ? C'est-à-dire qu'on a une espèce d'allégorie de l'ennui qui est à la tribune de l'Assemblée nationale. Je pense que ma fille met plus de ton, je l'espère du moins, quand elle récite sa poésie en classe. Demain des lobes à l'heure blanche de la campagne. Je pense qu'elle le fait avec plus de ton que la Première Ministre quand elle décline sans passion son programme d'action pour la France. Donc face à ça, c'est même pas de la langue de bois, parce que vous savez, la langue de bois, vous avez quelque chose à quoi vous pouvez vous heurter. Là, on a plutôt une langue chloroforme qui fait que ça vous endort à l'intérieur et quand même, il faut se réveiller soi-même. Parce qu'en fait, sous le chloroforme de la langue, il y a quelque chose qui est d'une grande violence. C'est quoi ? C'est qu'on est dans un temps de gavage inconnu jusqu'ici dans notre pays. Oui. C'est aujourd'hui les 500 grandes fortunes françaises viennent dépasser les 1000 milliards d'euros. Vous avez les grandes fortunes qui ont triplé sous Macron. Vous avez le PDG de Total qui s'augmente de 5 milliards d'euros. De 52%. 5 milliards d'euros, c'est les bénéfices de Total sur 3 mois. Et Madame Borne ne prononce pas le mot dividende, pas le mot bénéfice, pas le mot profit. Tout ça n'existe pas. Elle parle d'égalité des chances, oui. Elle parle d'éducation, elle parle de sa propre histoire personnelle, elle pupille la nation. Je vous le redis, on avait un président de la République qui, au G7, nous a parlé des profiteurs de guerre. C'était le moment de les mettre à l'amende. C'était le moment de nous dire comment ces profiteurs de guerre, qu'ils soient de l'industrie pharmaceutique, de la grande distribution pour la crise du Covid, là de l'énergie, avec Engie ou avec Total, on allait les faire payer pour enfin donner autre chose que des miettes. Ça viendra plus tard. Non, c'est dans pas l'immédiat, ça... quand elle a parlé de la nationalisation d'EDF. Ça viendra plus tard, je suis désolé, en disant ça, vous défendez un camp. Je défends rien du tout, je dis, il précisera pourquoi, plus tard. Pourquoi ça viendra plus tard ? Non, mais pour avancer un peu, est-ce qu'on peut parler sur la nationalisation d'EDF ? Parce que c'était intéressant, on était avec Monsieur Roussel avant vous, qui disait, ça va dans le bon sens et nous voterons pour, les communistes. Est-ce que vous voterez pour également ? On verra ce qu'il y a dans le texte, on verra si c'est une nationalisation des pertes quand il y a eu une privatisation des profits. Mais donc, vous n'excluez pas. On verra ce qu'il y a dans le texte, on verra dans quel but c'est fait. Mais je vous le redis, sur ce qui concerne pour l'essentiel aujourd'hui les Français, c'est quoi ? C'est est-ce qu'ils vont pouvoir faire le plein de leur voiture ? Est-ce qu'ils vont pouvoir remplir leur frigo ? Et là-dessus, ce que propose Madame Borne, ce sont des miettes. Ce qu'elle ne propose, ce sont que des miettes. Elle ne propose même pas que les salaires des Français augmentent en proportion de l'inflation. Ouais. C'est-à-dire que là, on va avoir une inflation qui va galoper à 5, 6, 7%. Eh ben, c'est ça qui va être perdu par les Français. Et ce qu'elle vient juste dire, c'est on va toujours accorder qu'il y ait 11 centimes ou 15 centimes ou 18 centimes qui diminuent par litre d'essence. Monsieur Ruffin, ce qui est frappant quand je vous écoute, c'est que vous parlez de la vie quotidienne des Français. Vous avez évoqué ces dernières semaines le fait qu'il faut s'adresser, que la gauche doit s'adresser aux Français qui habitent notamment dans les zones rurales, dans les zones périurbaines et pas seulement aux grandes agglomérations. Avoir des débats sur Elisabeth Borne est légitime, pour reprendre un mot utilisé par des insoumis, en disant il faut un vote de confiance, s'il n'y a pas de vote de confiance, il faut une motion de censure. Est-ce que ces débats, ces questions de technique parlementaire, qui peuvent avoir un intérêt, néanmoins sont les préoccupations principales des Français en ce moment ? On voit bien que vous soulignez plutôt les questions qui concernent la vie quotidienne des Français. Oui, il y a un vote de confiance à avoir sur est-ce qu'elle répond à l'urgence. Vous voyez, j'ai eu une personne, Olivier, ce matin, qui travaille quoi ? Qui fabrique notre pain, nos croissants, nos brioches, dans une usine qui prépare les poudres pour Pasquier et compagnie. Donc ma fille est fan de brioches tressées, voilà. Il travaille pour elle, il se lève la nuit. Il termine à 2h du matin. Il sait qu'il peut pas faire vivre sa famille avec ce salaire-là, tout en se couchant tard le soir, en travaillant la nuit. Résultat, il aligne derrière un autre boulot avec Uber. Est-ce que c'est normal que dans notre pays, des gens qui travaillent ne puissent pas vivre dignement de leur salaire? Tout ça est à relier à la question politique, parce que est-ce qu'on a un gouvernement qui mérite la confiance des Français, qui va tout faire pour qu'il y ait de la justice sociale dans ce pays, qui va tout faire pour que dans son entreprise à Olivier, qui se porte bien, les profits de l'entreprise soient reversés pour les salaires. Là, ce que nous dit le gouvernement, ce que nous dit Elisabeth Borne, c'est les entreprises qui font des bénéfices, ça serait bien qu'elles reversent. Mais non, si on ne dit pas à une entreprise reverser, elle ne va pas le faire. Donc il doit y avoir une obligation, il doit y avoir une exigence de justice sociale, pas simplement pour demander une chose qui franchement n'est pas révolutionnaire, franchement une chose qui apparaît comme évidente à tout le monde, c'est que les gens qui travaillent doivent pouvoir vivre de leur travail et aussi partir en vacances. Regardez le nombre de personnes dans votre entourage, dans le vôtre, mais en tout cas dans le mien, qui me disent « cet été je partirai pas en vacances ». Parce que j'ai même plus les moyens d'aller au camping. C'est pour ça que je soulignais qu'on a eu tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon en direct. Ce ne sont pas ces sujets-là qu'il a souhaité porter mettre en avant après le discours d'Elisabeth Borne, mais des questions notamment sur la légitimité de son gouvernement et l'intérêt de la motion de censure. Mais les deux se rejoignent. Vous savez, vous avez un déni commun. Le mot qui pourrait être, c'est Madame la Marquise. Pour Madame la Marquise, tout va très bien. Il y a un déni de l'urgence sociale. Ouais. Il y a un déni de la situation politique. Il y a un déni de la situation dans laquelle se trouvent les hôpitaux. Il y a un déni du calvaire qu'il va y avoir pour les enseignants et les élèves dans les écoles à la rentrée. Et on a là une série de crises à affronter, et elle nous dit juste, nous allons continuer, nous allons continuer, nous allons continuer. Nous allons continuer quoi? Droit dans le mur. Donc évidemment, ça pose la question de la légitimité du gouvernement. Dans les usines, on assassine des hommes blancs habillés aux couleurs du ciel et qui s'échinent sur des machines. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour voir l'arc-en-ciel dans les usines. Des enfants de 18 ans qui rêvaient d'aller aux Amériques, sous les tropiques, voir l'oiseau de feu vers le soleil s'envoler. Dans les usines, les domine, ils n'ont que le droit de se taire et de mourir, car les usines les endoctrinent. On s'ingénie le dimanche à les faire courir loin des usines. Ils s'acheminent vers des meetings mieux au fond de leur banlieue, loin des usines. On les fascine, on leur apprend qu'ils ne sont pas tout à fait heureux. Dans les usines, on assassine des hommes blancs qui travaillent comme des noirs et qui s'échinent sur des machines. Ils vivent d'amour et d'eau fraîche et de l'espoir de quitter l'usine. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Géopolitis consacré au climat. Il a plu au sommet de la calotte glaciaire au Groenland à plus de 3000 mètres. Un exemple frappant du réchauffement avec la multiplication des catastrophes climatiques cet été. L'achat de droits à polluer, tout comme la compensation carbone en plantant des arbres pour prendre l'avion, séduit les industriels. Un mécanisme très critiqué. 59% des jeunes de 16 à 25 ans dans différents pays du Nord comme du Sud se disent très inquiets du changement climatique. C'est la génération Greta Thunberg. Le 1er novembre s'ouvrira à Glasgow, en Écosse, la COP26, la 26e conférence annuelle des parties prenantes à la Convention cadre de l'ONU sur les changements climatiques. Derrière ces dénominations un peu absconses, c'est l'avenir de la planète qui est en jeu. Souvent galvaudé, l'adjectif « crucial » appliqué à cette COP26 pèse cette fois de tout son sens. Le 6e rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernementaux sur le climat, publié en août, est, au dire même d'Antonio Guterres, une alerte rouge pour l'humanité. Si nous n'engageons pas des mesures immédiates pour réduire les gaz à effet de serre, la barre fatidique de 1,5 degré de réchauffement sera atteinte d'ici 2031, avertit le GIEC. Les conséquences sont déjà là. Selon l'Organisation météorologique mondiale, le nombre de catastrophes a été multiplié par 5 ces 50 dernières années, inspirant en 2002 cette formule restée célèbre. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Le réchauffement est un défi gigantesque, impliquant des sacrifices difficiles à faire accepter, comme nous le verrons avec notre invité Julia Tass, qui co-dirige l'Observatoire géopolitique des enjeux des changements climatiques. Mais les événements extrêmes de cet été risquent de devenir la norme si rien ne change. Cet été, la pluie est tombée pour la première fois au sommet du Groenland à plus de 3000 mètres d'altitude, avec des températures qui ont atteint 23,4 degrés au nord et des moyennes 10 degrés au-dessus de la normale. La glace fond deux fois plus vite, alimentant la montée des océans. Quand on observe le paysage, on voit bien la quantité de glace qui a disparu en 20 ans. Avec des conséquences sur la biodiversité, deux tiers des ours polaires pourraient disparaître. La planète se réchauffe, comme ici à Lytton, au Canada, un village détruit par les flammes où il a fait 49,6 degrés en juin. La dernière période de 5 ans a été la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des mesures, en 1850. Du Canada à la Kabylie, où l'on se bat contre les flammes à mains nues, à la Chine submergée, les victimes des événements extrêmes liés au changement climatique se comptent par centaines. En Allemagne et en Belgique, les inondations de la mi-juillet ont fait au moins 224 morts. Plus alarmiste que jamais, le dernier rapport des experts intergouvernementaux sur le climat du GIEC exclut pour la première fois un réchauffement lié aux événements naturels. Limiter le réchauffement à un niveau bien inférieur à 2 degrés, de préférence à 1,5 comme le veut l'accord de Paris, semble hors d'atteinte. Nous avons déjà dépassé d'environ 1 degré la moyenne de l'ère pré-industrielle et on pourrait atteindre les 1,5 degrés dès 2031. Avec la quasi-certitude, selon l'ONU, de monter de 2,7 degrés à la fin du siècle. Même si les États appliquent leurs engagements de réduction actuelle du CO2, moins 55% pour l'Union européenne, moins 50% pour les États-Unis d'ici 2030, neutralité carbone pour la Chine d'ici 2060. À moins d'une réduction immédiate, rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, nous ne pourrons pas limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius et les conséquences seront catastrophiques. L'an passé, la planète a émis 32,2 milliards de tonnes de CO2 issues de la combustion des carburants, en baisse de 2 milliards en raison du Covid. Mais l'ONU prévoit une augmentation annuelle de 2% des émissions pour la prochaine décennie. Une des conséquences les plus visibles, la menace de submersion des villes littorales et des États insulaires avec la montée des eaux. Nous avons constaté un effet sur nos zones côtières. Et la côte représente près de 70% de notre pays. Le dérèglement climatique et ses catastrophes vont provoquer des migrations considérables. 7 millions de déplacés internes aujourd'hui, 216 millions à l'horizon 2050, selon la Banque mondiale. Même si la Convention de Genève de 1951 peut s'appliquer dans certains cas, le statut de réfugié climatique n'est toujours pas reconnu, alors que certains n'auront d'autre choix que de quitter leur pays. Des pays fragiles qui ont vu se réduire de 100 à 80 milliards de dollars l'aide annuelle des pays riches pour atténuer les effets du changement climatique. Bonjour Julia Tass. Bonjour. On vous retrouve au Géopolitique de Nantes, organisé par l'IRIS, dont vous êtes responsable du programme Énergie, Climat, Sécurité. Alors, le réchauffement climatique a une conséquence géopolitique majeure, évidemment. Il accroît les inégalités nord-sud. Et on vient de voir que les pays riches rechignent à payer ce qu'ils doivent. Il manque 20 milliards sur les 100 milliards promis. Ça augure mal quand même des relations nord-sud à la COP26. Alors c'est un problème qui est récurrent, c'est pas un problème qu'on va observer seulement lors de la COP26, mais effectivement, ça fait des années que le Fonds vert pour le climat que vous évoquez, donc les 100 milliards, sont loin d'être atteints, et ça fait des années qu'il y a des discussions assez compliquées autour des financements que les pays les plus émetteurs de carbone pourraient devoir aux pays qui subissent le changement climatique. Donc il y a effectivement ce Fonds vert pour le climat qui aide les pays les plus pauvres à s'équiper à la fois pour permettre un développement économique et puis à s'équiper pour s'adapter au changement climatique. Donc les deux facettes du changement climatique, enfin de la lutte contre le changement climatique, l'atténuation des émissions et l'adaptation. Et un autre sujet qui va également être évoqué à la COP26, c'est celui des pertes et dommages, c'est-à-dire que certains pays du Sud qui sont déjà touchés par les impacts du changement climatique demande à être remboursé, à avoir une compensation financière de la part des pays du Nord pour ces dommages. Justement, ça fait partie des choses que le grand public, on va dire, a du mal à comprendre. C'est des conférences très compliquées, ça prend des années. Alors, est-ce que cette COP26, dont tout le monde dit qu'elle est cruciale, est-ce qu'elle peut sauver le climat ? C'est une question très, très vaste. Alors, elle ne va pas sauver le climat, et je pense que c'est pas une révélation que de le dire. Elle va participer à tout un processus qui, effectivement, est très long, puisqu'il a commencé dans les années 90, très complexe, mais qui aide les acteurs publics et les acteurs privés à s'engager pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, sans ça, il y aurait pas d'action. Il y aurait une inaction totale. Donc on peut au moins se féliciter de ces engagements et de ces mises en œuvre, souvent, de politiques publiques ou de projets privés pour réduire les gaz à effet de serre. Mais on ne va pas sauver le climat avec la COP26. On va aller vers une réduction de nos impacts, mais on ne sauvera pas le climat. Et d'ailleurs, qu'est-ce que sauver le climat ? C'est encore une question philosophique. Mais justement, dans l'historique de toutes ces conférences, quelles sont les avancées majeures, finalement ? Alors, l'accord de Paris est une avancée majeure. Parce qu'il a permis de changer le système. On est passé d'un système où c'est le secrétariat et finalement sur la base de production scientifique qui émettait des objectifs qui devaient être appliqués ensuite par les pays. Or, un pays a un intérêt national, donc il était souvent compliqué pour ce pays de répondre à ses objectifs qui lui venaient d'en haut, entre guillemets. Donc c'était plutôt descendant. Et l'accord de Paris c'est une révolution totale puisqu'on est passé d'un système ascendant descendant à un système ascendant, c'est-à-dire que ce sont les pays qui établissent leurs propres objectifs en prenant en compte les possibilités financières qu'ils ont, politiques, sociales, pour se fixer des objectifs et contribuer ensemble à la réduction des émissions. Mais sans contrainte, il n'y a pas d'amende. Il n'y a pas d'amende, effectivement. Et ça, c'est un point clé. Il y a des chercheurs qui proposent que cette gouvernance climatique soit reliée à une autre forme de gouvernance, qui est par exemple celle de la gouvernance économique avec l'Organisation mondiale du commerce, où il y a des sanctions quand on ne respecte pas les règles. Et ces sanctions-là sont en général perçues comme des menaces par les pays, puisque ça va avoir un impact sur leur économie. Donc est-ce qu'on ne peut pas relier les engagements climatiques à des sanctions d'une autre gouvernance, d'une autre forme de gouvernance, telle que des sanctions économiques ou politiques? C'est une vraie question. Mais effectivement, aujourd'hui, en dehors de la propre machine interne des États, où il peut y avoir des conséquences, les États ne sont pas responsables devant une organisation mondiale du non-suivi de leurs propres engagements. Alors, les conclusions du GIEC, on les a vues, c'est assez effrayant. En gros, on est déjà 1 degré de plus qu'à l'ère pré-industrielle. On va atteindre les 1,5 degré d'ici une dizaine d'années. Est-ce que ça ne va pas créer du découragement, finalement? On va dire, on n'y arrivera jamais. Alors, il y a une autre bonne nouvelle dans le rapport du GIEC, qui est parfois un peu complexe à comprendre. C'est que les scientifiques ont établi que le changement climatique était directement lié aux émissions anthropiques, donc aux émissions qui provenaient des activités humaines. La bonne nouvelle de cette mauvaise nouvelle, c'est que si on arrête les émissions, il est prouvé que le système climatique va directement se rééquilibrer. Alors directement, on parle de dizaines d'années, mais en fait, avant, on pensait que l'inertie que nos émissions allaient provoquer au sein du système climatique allaient durer pendant des dizaines d'années, voire des centaines d'années, et que tout ce qu'on faisait aujourd'hui était finalement bloqué. Or, ce dont on s'aperçoit, c'est que si on coupe drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, le système va se rééquilibrer dans les années à venir, et d'ici 2100, on pourrait ne pas dépasser les 2 degrés. Alors, autre point clé de cette COP26, évidemment, ça va être la compensation carbone. On fait le point sur ce mécanisme qui suscite un fort engouement avec Mélanie Ohayon. On se retrouve juste après. Cet été, l'Union européenne a réaffirmé son fameux pacte vert avec l'ambition de devenir le premier continent à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. En termes d'émissions de CO2, l'Europe est un poids lourd. À l'échelle des plus gros pollueurs, elle se classe en 3e place, juste derrière la Chine et les États-Unis. Pour réduire cette empreinte, les Européens misent depuis plusieurs années sur la logique du pollueur-payeur. Les émissions de CO2 doivent avoir un prix. Un prix sur le CO2 qui incite les consommateurs, les producteurs et les innovateurs à choisir des technologies propres. L'Union européenne crée en 2005 le premier grand marché mondial du carbone. Il fonctionne dans tous ses pays membres et aussi en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et depuis 2020 en Suisse. Ce marché oblige chaque année plus de 11 000 installations très polluantes à ne pas dépasser un certain plafond d'émissions de CO2. Concrètement, si à la fin de l'année les émissions dépassent la limite fixée, l'entreprise pourra acheter des quotas supplémentaires sur le marché auprès d'entreprises qui ont émis moins de CO2. Sinon, elle devra payer une lourde amende. Le problème est que pendant longtemps, le prix du carbone est resté à un niveau très bas, donc cela coûtait moins cher aux entreprises d'acheter des quotas supplémentaires plutôt qu'investir dans des installations moins polluantes. Depuis, l'Europe a durci son système et l'a élargi à l'aviation, au transport routier, au secteur maritime et aux bâtiments. Le prix du carbone s'envole. Depuis 2018, la tonne de carbone dépasse désormais les 60 euros. Un autre mécanisme existe au niveau international, la compensation de carbone, essentiellement engagée sous forme volontaire. L'idée est qu'une entreprise ou un particulier compense ses émissions en investissant dans des projets verts, comme la construction d'éoliennes en Turquie ou la préservation d'une réserve forestière dans le Jura. EasyJet déclare par exemple compenser entièrement ses émissions depuis 2019, notamment par des plantations d'arbres en Amazonie. Le problème est qu'il est très difficile de vérifier si ces projets apportent un réel bénéfice climatique. Au final, la planète continue de dépendre largement des combustibles fossiles, une dépendance à hauteur de 80% qui n'a pas diminué en 10 ans. Alors cette compensation volontaire, compensation carbone, c'est souvent comparé au marché des indulgences, hein, on s'achète une bonne conscience. C'est une comparaison qu'il faut peut-être un peu nuancer. Mais effectivement, l'idée, c'est que les émetteurs, donc les entreprises ou les États, puissent acheter le droit d'émettre. Donc effectivement, il y a le droit de faire quelque chose qu'on considère comme mal. C'est une question épineuse, parce que ce qui a été prouvé, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prix, ça ne coûte rien, d'émettre ou de polluer. Or, c'est ça qui peut pousser les acteurs privés à intégrer l'effet néfaste de leurs émissions à leur comptabilité et qui va les pousser à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est ça le but de la compensation. Mais pourtant, le prix justement de la tonne de carbone sur ce marché européen, il a atteint des records, il a plus de 60 dollars, il a doublé en 6 mois. Ça commence à devenir un impact pour les entreprises qui pourraient être amenées à décarboner finalement plutôt que d'acheter des droits de polluer. Oui. On espère en fait que cette incitation va les amener à décarboner au lieu effectivement d'acheter de quoi compenser. Là où il y a encore le bas blesse, et c'est justement l'objet également de cette COP26, c'est l'article 6 qui a trait au marché carbone, puisque aujourd'hui vous parlez d'un système qui est au niveau européen. Il y a d'autres systèmes en parallèle en Chine et aux États-Unis. Mais ces systèmes ont des prix différents à la tonne de carbone et ils ne couvrent qu'une partie du territoire des pays concernés. Quand il s'agit de l'Europe, il s'agit des membres de l'Union européenne, mais quand il s'agit de la Chine, ça va être de certaines régions dont on parle, et pareil pour certains États américains. Donc il faut que ce soit globalisé, et là il y a un vrai enjeu. C'est ça, ça, c'est un des enjeux qui va être discuté. Exactement. On s'aperçoit aussi que le prix de l'énergie est en train d'atteindre des sommets. Le gaz a doublé, l'électricité coûte 30% plus cher en Espagne, avec effectivement aussi ce prix de la tonne carbone. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un moment, un conflit entre le climat et le social? Parce que c'est vrai que les gens ne vont pas pouvoir payer leurs factures au bout d'un moment. Alors, je ne pense pas qu'il y aura de conflit entre le climat et le social, puisque la solution au cœur de ces deux enjeux, c'est l'efficacité énergétique. Aujourd'hui, ça coûte cher de se chauffer, ça coûte cher d'utiliser parfois certaines formes de gaz ou d'électricité pour nos activités au quotidien, parce que nos maisons sont peu isolées, et donc on va payer des fournisseurs d'énergie pour chauffer l'extérieur. Donc évidemment, il y a un problème. En fait, il faut que, d'une part, l'ensemble des logements soient efficaces en énergie, isolés énergétiquement, et puis que les appareils qu'on développe soient moins énergivores également. Et la dernière solution, qui est un système économique intéressant, c'est que on paye pour un service, c'est-à-dire par exemple l'électricité, et ça va être dans l'intérêt du fournisseur d'isoler notre logement pour que lui ait moins d'énergie à nous fournir. Et ça, c'est un autre système, c'est-à-dire qu'au lieu de payer le kilowattheure ou le gaz, on va payer le service et le fournisseur va avoir un intérêt à nous équiper avec une maison ou des équipements moins énergivores. Mais ça va prendre du temps, ça va prendre des années. Refaire de l'isolation, des maisons, etc. Entre-temps, les gens, il faut bien qu'ils vivent, qu'ils payent les factures. On a vu ce qui s'était passé en France avec les Gilets jaunes. Mm-hmm. Est-ce que ça, c'est pas un risque tout de suite là pour les gouvernements? Il y a des élections bientôt en Allemagne, il y en aura eu, en France bientôt. Ça c'est un enjeu à prendre en compte. C'est un enjeu à prendre en compte, mais il y a aussi beaucoup de politiques publiques qui s'en occupent, notamment des chèques pour subventionner le fait d'isoler son logement, des chèques qui peuvent être aussi adressés aux familles les plus démunies pour payer leur électricité et leur gaz. Donc finalement, il faut que les États mettent en place ce type de politique publique pour compenser la transition énergétique et le coût que ça peut avoir pour les classes sociales les moins favorisées. Alors évidemment, si on élargit un petit peu, il y a des risques géopolitiques majeurs avec les changements climatiques. Mmh. On a parlé des migrations. Quelles sont selon vous les régions les plus en tension dans le monde en ce moment? Alors ça ne va même pas être selon moi, c'est-à-dire qu'il y a des faits qui sont là. Il y a des régions qui sont plus exposées aux impacts des changements climatiques dès aujourd'hui. Ça va être l'Asie du Sud-Est, par exemple, l'Asie du Sud, toute la bande sahélienne, la Méditerranée également. Et ce sont également des régions qui sont très densément peuplées. Donc il n'est pas très compliqué de faire l'équation et de se dire que ce sont les peuples de ces régions-là, et notamment des villes dans ces régions, qui vont être le plus impactés par le changement climatique dans les années à venir. Et on peut également s'intéresser à la hausse du niveau des eaux et regarder où les deltas, par exemple, où les îles vont être exposées à des submersions marines importantes. Et là, on peut s'attendre justement à des mouvements de population très importants? Alors, on peut s'attendre à des mouvements de population. Souvent, ces populations-là vont aller à côté, puisqu'il n'est pas facile de quitter tout ce qu'on a pour des raisons physiques, hein. Souvent c'est un cyclone, une tempête, etc. Donc on n'est pas préparé à s'en aller, et on doit s'en aller dans la précipitation. Donc en général, on ne va pas très loin, on va à côté. Et ça, c'est le cas pour les zones dont on a parlé tout de suite, mais c'est aussi le cas pour des zones comme en Europe, où on a vu cet été qu'il y a eu des inondations massives. Les gens qui ont fui ces inondations ne se sont pas rendus dans un autre continent. Ils sont allés voir leur famille ou leurs amis pour être hébergés pas très loin. Eh bien, merci, Julie Attas. On arrive au bout de cet entretien. C'était un plaisir de vous retrouver ici à Nantes, et on suivra évidemment la COP26 et cette COP de la dernière chance, comme on dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'apparition tonitruante de Greta Thunberg au Forum de Davos en 2019 a montré la détresse et la volonté de se battre de toute une génération, celle qui sera confrontée aux conséquences des actes de leurs parents et grands-parents. Une génération marquée par un phénomène nouveau, l'éco-anxiété. C'est un sujet d'Olivier Collère. Le réchauffement climatique affecte de plus en plus de jeunes touchés par l'anxiété liée au changement climatique. Dépression, peur de l'avenir et un sentiment de grande impuissance. On est déjà dans le désastre écologique et dans la catastrophe écologique la plus complète. On nous le dit depuis 50 ans, la situation est terrible. On aurait dû amorcer Une transition, on n'y est pas du tout, au contraire. Tous les indicateurs et tous les chiffres nous indiquent qu'on va au pire. Une jeunesse en proie au syndrome de l'éco-anxiété. Selon une étude menée par l'Institut Kantar, 56% des jeunes âgés entre 16 et 25 ans estiment que l'humanité est condamnée. 75% jugent l'avenir effrayant. L'espoir, je crois que je l'ai un peu abandonné. J'ai réalisé qu'on s'en sortira pas et tout, et c'est ça qui est le plus difficile. Les deux réactions fondamentales qu'on peut avoir, c'est un de la tristesse et deux de la colère, de la rage de plus en plus. On en veut vraiment même aux autres de ne pas réaliser, de ne pas changer. Le climat mobilise les jeunes générations, 15 000 étudiants. Une jeunesse qui se mobilise et s'inquiète pour son avenir. 39% hésitent à faire des enfants. 45% affirment que le changement climatique affecte leur vie quotidienne et entraîne des souffrances psychologiques. Criant leur désespoir en marchant dans les pas de l'icône suédoise de la jeunesse en rébellion, Greta Thunberg. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Pour conjurer l'urgence climatique, 6 jeunes Portugais ont décidé d'attaquer 33 pays, dont la Suisse, devant la Cour européenne des droits de l'homme, pour contraindre les gouvernements à agir. Depuis 1990, plus de 1300 plaintes environnementales ont été déposées à travers le monde. En 2019, le gouvernement hollandais avait été condamné par la plus haute instance juridique des Pays-Bas pour son inaction dans la lutte contre le changement climatique. Les images apocalyptiques des inondations de cet été en Allemagne et en Belgique sont venues nous rappeler celles de la catastrophe de Brig du 24 septembre 1993 qui avait fait 2 morts. C'est notre rubrique ce jour-là. Alors ici à Brig, c'est vraiment inimaginable. C'est un spectacle de désolation. Tout le quartier de la gare est enfoui sur plus de 2 mètres de boue, de limon, de détritus, de bois. C'est vraiment un spectacle qui est presque insoutenable. Les magasins, les commerces, les banques sont noyés, les entrées des hôtels aussi sont enfouies sous, je vous dis, 2,50 m de boue de terre. Certains habitants, conscients des problèmes écologiques qui nous attendent, sont restés traumatisés par l'événement. Ça aurait pu être pire. Une telle catastrophe pourrait du reste se reproduire. On a dit que c'était la catastrophe du siècle. Mais un an plus tard, elle a failli se reproduire. On constate de plus en plus que ces catastrophes dites du siècle deviennent de plus en plus des événements de la décennie. Il faut s'attendre à ce que les régions de Pergélisol subissent des dégels à la suite des augmentations de température. En fait, elles pourraient être pires que celles que nous avons subies. Si vous souhaitez approfondir votre réflexion et ne pas perdre espoir, le dessous des cartes d'Arte s'est posé la question : le salut viendra-t-il des villes ? Voici 30 grandes villes du monde qui ont déjà commencé à baisser leurs émissions pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré d'ici la fin du siècle, notamment avec des bus propres, des bâtiments moins énergivores et des politiques zéro déchet, comme par exemple à San Francisco, où plus de 80% des déchets sont réutilisés. Est-il réaliste d'imaginer l'électrification du parc automobile alors que se profile une pénurie des métaux rares nécessaires aux batteries ? France Culture ouvre le débat. Pour le cobalt ou pour le nickel, pour prendre deux métaux assez courants, l'AIE parle d'une multiplication par 20, des besoins, c'est-à-dire de la production mondiale. Un point de vue très différent et qui remet en cause la décroissance issue du rapport Meadows de 1972 est à lire sur la revue en ligne Telos. Et enfin, cette interview choc à lire dans le magazine en ligne Reporter de l'écrivain indien Amitav Ghosh, pour qui le défi de la crise écologique est avant tout géopolitique avec la culture de domination de l'Occident. La semaine prochaine, vous aurez le plaisir d'être en compagnie de Cédrine Verguin qui rejoint l'équipe de Géopolitis

Leader, L-E-A-D-E-R, hein, c'est leader, c'est ça, hein, on ne dit pas l'EADER, leader, de l'hospitalisation privée en France avec 150 hôpitaux et cliniques, le groupe ELSAN, E-L-S-A-N, réalise actuellement un investissement de 85 millions d'euros sur son site de la polyclinique de Gentilly, au nord-ouest de Nancy. Une visite de chantier a eu lieu mercredi 6 juillet, livraison mi-octobre. Là, c'était le jeudi 7 juillet 2022. Et il y a une page complète d'informations sur cette polyclinique privée. Hein, en fait, c'est pas de l'information. Ce n'est pas de l'information, c'est de la... Oui, de la publicité. Voilà, voilà. Une page de publicité complète pour une... les hôpitaux vont de plus en plus mal et les cliniques privées peuvent se payer une page complète de publicité dans un journal. Et oui, tiens. Mais ce n'est qu'une coïncidence. Ah oui, ah, c'est une coïncidence. Ah, Vosges, l'État et les entreprises plus que jamais engagées pour l'emploi. Alors, y a un article qui fait une demi-page à peu près. Article creux, vide, du blablabla, 6 millions de chômeurs. Alors il faudrait donner une note aux journalistes, aux députés, aux sénateurs, enfin à tous les responsables. Et puis au bout d'un mois, celui qui a la note la plus basse dans sa catégorie, il est condamné au RSA pendant 5 ans. RSA 5 ans. Ouais, c'est pas un camp de travail, hein. Le RSA, tout simplement. Qu'ils sachent ce que c'est que le chômage, que la misère. Hein? Ah oui, il faut qu'ils y goûtent, ces gens-là. Oui. Rien ne remplace l'expérience personnelle. 1000 milliards, jeudi 7 juillet 2022, 1000 milliards d'euros, le montant au total des patrimoines professionnels du patrimoine, détenus par les 500 plus grandes fortunes françaises, selon le classement du magazine Challenge. Ah non, c'est pas challenge qu'il faut dire. Il faut dire challenge. Ah, bon. Je croyais que c'était challenge. Ah, mais voyez-vous, hein. Eh oui, l'ignorance. Challenge, il faut dire. Ben oui, c'est comme ça qu'on cause sur les radios, hein. Et dans les radios. Ouais. Challenge. À partir de ce jeudi. En un an, leur pactole a progressé de 5%. Bernard Arnault, patron du numéro 1 mondial de luxe, LVMH, reste en haut du classement. 149 milliards. Et toujours deuxième homme le plus riche du monde, après Elon Musk. Musk, M-U-S-K, c'est Musk, hein, c'est ça? C'est pas Musk, c'est Musk. Bon, ben d'accord. Alors, revenons en France, l'abbé Grégoire, porteur d'un idéal de fraternité. L'historienne Françoise Hildesheimer a publié aux éditions Nouveau Monde, le 27 avril dernier, l'abbé Grégoire, une tête de fer en révolution. Son ouvrage fait la synthèse de la vie de cette figure du XVIIIe siècle, originaire d'Ambermesnil en Meurthe-et-Moselle. C'est tout près de la frontière des Vosges, hein, à Meurthe-et-Moselle. Alors comment l'abbé Grégoire a-t-il sauvé sa tête pendant la Terreur? Une interrogation à laquelle elle tente de répondre en faisant la synthèse des documents qui révèlent la vie de ce personnage révolutionnaire. Si le curé d'Ambermesnil, à Meurthe-et-Moselle, est devenu emblématique, c'est aussi en raison de sa longue existence. Il est un des rares témoins de la Révolution, car il a vécu 81 ans et qu'il a vu passer plusieurs régimes, explique Françoise Hildesheimer. C'est l'image d'un évêque siégeant à la Convention au moment de la Terreur, en tenue sainte, en tenue religieuse, alors que tout le monde se décléricalisait. Cette droiture a valu au curé le surnom de tête de fer que lui a décerné Napoléon Bonaparte. Si l'auteur, estime que c'est son honnêteté qui l'a sauvé, elle reconnaît qu'il a parfois été contraint de garder sa langue dans sa poche. Lors de la liquidation des Girondins, il aurait eu une extinction de voix alors qu'il présidait l'Assemblée, ce qui l'a poussé à ne pas assurer la présidence ce jour-là, rappelle-t-elle en évoquant l'un des éléments les plus à charge contre lui. Le train de vie luxueux de la cour l'a révulsé. C'est aussi pour cette raison qu'il souhaitait la fin de la monarchie. Alors je passe quelques lignes. Il est pionnier dans la défense des droits des minorités et se dresse contre le colonialisme. Son amour du peuple, Le curé le conserve même à son arrivée à Versailles. Le train de vie luxueux de la cour l'a révulsé, c'est aussi pour cette raison qu'il souhaitait la fin de la monarchie. Si Françoise Hildesheimer met en garde sur l'anachronisme, elle est convaincue que les idéaux du curé font écho à des sujets d'actualité. Des sujets d'actualité. Ce n'est pas anodin si Emmanuel Macron l'a cité pendant son discours, indique-t-elle. Pour l'abbé, la langue française était un instrument de promotion sociale. Oh là là. La langue française, vous entendez ça, était un instrument de promotion sociale. Était, c'est du passé. Un moyen de réunir et de donner à chacun la chance de progresser en société. Pour l'historienne, ce qui a sauvé cet homme, c'est son engagement et ses valeurs de fraternité et d'universalisme. Les causes sur lesquelles il s'est engagé sont devenues des causes universelles, estime l'auteur. C'est la preuve que son ouverture d'esprit, nous en avons encore bien besoin aujourd'hui. Oui, point d'interrogation. Et les radios locales? Point d'interrogation. Assange, son extradition actée, mais le combat continue. Julian Assange a des soutiens dans le monde entier, comme ici à Ljubljana, en Slovénie, début mai, lors d'une manifestation contre la décision du tribunal britannique de l'extrader. Pour ceux qui chercheraient à savoir où passe la richesse produite par les Français en ces temps d'inflation, de là à penser qu'il faut surtaxer ces 500, il n'y a qu'un pas. Alors, titre là-dessous, les riches nous coûtent un pognon de dingue. Epsidi, Meurthe-et-Moselle. Epsidi améliore le diagnostic des maladies cardiovasculaires. Alors, qu'est-ce que c'est que Epsidi? Ah, c'est une jeune start-up. Start-up, trait d'union UP, qui vient de s'installer au cœur de l'Institut de recherche et d'innovation en santé. C'est quelque chose de nouveau, ça, tiens. Situé sur le pôle du CHRU de Nancy-Brabois. Sur le pôle 2, hein, pas... Vient de mettre au point un nouvel outil destiné à améliorer les enregistrements cardiaques pris pendant une IRM. Le constat est criant, les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès d'invalidité dans le monde et notre mode de vie n'est pas fait pour freiner cette épidémie silencieuse. Pire, elle touche de plus en plus de femmes, une sur trois en est victime. Mais contrairement à la genre masculine, c'est un fait avéré, le diagnostic est plus délicat à réaliser. Voilà, alors donc je ne sais pas si... Il n'y a pas comme une sorte de privatisation là, hein, je ne sais pas, bon, je suis mauvais donc. Énergie. EDF. Alors, ce vendredi 8 juillet 2022, hein. Ah oui, c'est un peu ancien, hein. Et ça, faut prendre du recul. Ah oui. Parce que le canon, ça recule. Ça n'existe pas. Énergie. EDF. Renationalisée. Pourquoi? Elisabeth Borne l'a confirmé mercredi. Déjà détenu à 80% par l'État, le géant de l'énergie EDF sera renationalisé. Mais de nombreuses questions restent en suspens. En reprenant le contrôle total de l'entreprise, l'État s'apprête à réorganiser EDF, confronté à de lourds défis industriels et financiers. Lourds défis industriels et financiers. Qu'est-ce que c'est que ça? À qui appartient EDF? Le géant électricité de France appartient toujours majoritairement à l'État, à 84%. Mais 15% environ de son capital est aux mains d'actionnaires privés, individuels ou institutionnels. Et 1% du capital environ est détenu par les salariés. Cette situation découle d'une première phase de privatisation lancée fin 2005 sous Nicolas Sarkozy. Première phase de privatisation lancée fin 2005 sous Nicolas Sarkozy. Mais Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, n'a pas été condamné à 3 ans de prison? 3 fois 1 an, hein, pas une fois 3 ans. On n'en parle plus de ça. Tiens. Comment cela se fait? Comment la se fait? Allez. Au revoir.